Ce n'était pas une misanthropie commune qui avait enfermé dans les flancs du Nautilus le capitaine Nemo et ses compagnons, mais une haine monstrueuse ou sublime que le temps ne pouvait affaiblir. Cette haine cherchait-elle encore des vengeances? Une fois remonté à la surface des eaux, un navire de guerre se présente à la vue des passagers Nautilus, et l'on entend le capitaine prononcer « Je suis le droit, je suis la justice, me dit-il, je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais là, taisez-vous. » Après avoir fait couler ce navire de guerre, Nemo retourne dans sa chambre, suivi des yeux par le professeur. Sur le panneau du fond, au-dessous des portraits de ses héros, je vis le portrait d'une femme jeune encore et de deux petits-enfants. Le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants, leur tendit les bras et, s'agenouillant, il fondit en sanglots.